j'en ai pas le profil. Mais sur l'oreiller, j'aime pas qu'on me questionne. Je suis pas James Bond, entouré de belles blondes. Dans la tente, j'en vis même pas les hommes qui papillonnent. Pourtant, pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut. Je ne suis qu'un homme.